Donc, pour des verbes comme bauen, lorsque vous plongez dans le passé, vous trouvez gebaut. Mais le verbe werden, en plongeant dans le passé, donne geworden. Geworden. Et ce geworden est modifié si werden suit une forme comme gebaut. Vous devez alors employer worden. Worden à la place de geworden. Prenons un autre verbe, par exemple vendre. Comment dit-on vendre? Kaufen. Kaufen, c'est acheter. Mais vendre, c'est verkaufen. Verkaufen. Comment diriez-vous il vend cela? Er verkauft es. Er verkauft es. Mm-hmm. Et comment diriez-vous c'est vendu? Es ist verkauft. Es ist verkauft. Et c'est en train d'être vendu. Là, il ne faut pas employer sein, mais werden. Es wird gekauft. Là, vous dites, c'est en train d'être acheté. Es wird verkauft. Bien, es wird verkauft. Comment diriez-vous, tout est en train d'être vendu? Alles est en train d'être vendu? Alles wird verkauft. Bien. Alles wird verkauft. Alles wird heute verkauft. Tout est en train d'être vendu aujourd'hui. Alles wird hier verkauft. Tout est en train d'être vendu ici. Ou alles hier wird verkauft. Tout ici est en train d'être vendu. Comment diriez-vous c'était en train d'être vendu? Es wurde. Bien. Es wurde verkauft. Bien. Es wurde verkauft. Et tout était en train d'être vendu? Alles wurde verkauft. Bien. Alles wurde verkauft. Et comment dira-t-on tout était vendu? Alles war verkauft. Bien. Alles war verkauft. Et tout a été vendu? Là, vous faites le bilan d'une journée de vente. Donc, tout a été vendu? Alles ist verkauft geworden. Tout a été vendu? Comment dites-vous été? Gewesen. Bien. Alles ist verkauft gewesen. Là, vous constatez qu'il ne reste plus rien. Mais si vous voulez insister sur l'action de vendre, sur le déroulement de la vente, et dire tout a été vendu au sens de tout a été en train d'être vendu, vous direz alles. Alles ist verkauft. Geworden. Oui, mais ici nous avons verkauft, qui est déjà le résultat d'une plongée dans le passé. Et si vous avez déjà un participe, une plongée dans le passé, vous n'employez pas geworden, mais simplement worden. Alles ist verkauft worden. Alles ist verkauft worden. En d'autres termes, lorsqu'on plonge dans le passé de werden, on trouve deux participes passés, geworden ou worden. Geworden est employé avec des adjectifs, mais si une forme comme verkauft ou gekauft précède werden, il faut dire worden, verkauft worden, gebaut worden. Es ist gebaut worden. Cela a été construit. Vous insistez sur le processus de construction, non sur le résultat. Gekauft worden. C'est la forme correcte. Voyons maintenant, tout serait vendu. Comment diriez-vous tout serait vendu? Alles wäre. Oui. Wäre. Verkauft. Bien. Alles wäre verkauft. Et à la place de wäre, vous pouvez dire würde sein. Würde sein. Oui. Donc pour tout serait vendu, on a alles würde verkauft sein. Alles würde verkauft sein. Tout serait vendu. Vous pouvez donc dire würde verkauft sein ou wäre verkauft. Wäre se rapporte donc à sein et hätte à haben. J'ai évoqué leur sens en français serait ou aurait, comme dans cela serait possible, es wäre möglich ou es würde möglich sein. Comment diriez-vous j'aurais cela, comme par exemple dans Si j'étais riche, j'aurais cela. Vous pouvez le dire de deux façons. Alors, j'aurais cela se dit Ich hätte es. Ich würde es haben. Très bien. Ich hätte es ou ich würde es haben. Et comment diriez-vous je n'aurais pas le temps de le faire? Même si je voulais, je n'aurais pas le temps de le faire. Donc, je n'aurais pas le temps de le faire. Ich hätte keine Zeit, es zu tun. Ich hätte keine Zeit, es zu tun. Ou bien? Ich würde keine Zeit haben, es zu tun. Oui, ich würde keine Zeit haben, es zu tun.